En direct de Place Deauville, CKRL et le Festival du cinéma de la Ville de Québec vous présentent Situation critique en collaboration avec Québecor et alimenté par Resto Plaisir. Aujourd'hui, à Situation critique, en direct du Festival de cinéma de la Ville de Québec, on regarde la programmation à venir. Festival qui se déroule jusqu'à samedi. Les invités, Yann Geller, directeur du Festival de cinéma de la Ville de Québec, également Charlotte Aubin, comédienne, également membre du jury court-métrage du festival, et David Finlay, qui, lui, a réalisé un tout premier long-métrage intitulé « Everything Outside ». Et enfin, Laurence Tremblay nous donnera justement ses suggestions dans le cadre du festival. Les ondes de CKRL et en direct de Place Diouville, c'est l'émission d'actualité cinéma Situation critique. Pierre Blais au micro en compagnie de Laurence Tremblay. Laurence, bonjour. Bonsoir. Laurence, tu couvres le festival, tu es allé voir quelques films, puis tu vas nous dire également ce qui reste à voir aussi. Ben oui, avec plaisir. Un peu plus tard de l'émission. Tu te fais du fun? Beaucoup. Quand même. Beaucoup trop. Mais là, t'es pas habillée comme en début de semaine, en fait. J'ai ma petite tuque, mes petits gants. Il fait quand même frisqué à la Place Diouville en ce moment. Effectivement. Donc, si vous passez dans le coin, je tiens à vous le dire, apportez votre tuque, votre foulard, des gants. C'est pas comme en début de semaine. Cela dit, dans cette émission, comme je le soulignais, le réalisateur David Finlay a réalisé son premier long métrage, Everything Outside. C'est un réalisateur de Québec. Il l'a réalisé en anglais, notamment avec Louise Portal, qui va venir vers 19h nous parler de tout ça. Ou si Yann Geller va venir nous dire qu'est-ce que ça prend comme énergie pour organiser un tel festival. C'est un festival où normalement on voit des films, on est assis. Yann, je le vois juste courir. C'est tout ce que je vois de Yann. Dans quelques minutes à peine, elle est membre du jury court-métrage. Charlotte Aubin, elle vient de s'asseoir. On va lui parler pour lui demander comment va son festival, puis bien d'autres choses, évidemment. Donc, quand on tape son nom sur Google, savez-vous ce qui sort sur Charlotte Aubin? Ses aventures amoureuses. C'est pas des blagues, c'est ce qui sort. Je peux te parler déjà? Oui, allez-y, défendez-vous. Mais oui, c'est terrible. J'aimerais bien avoir votre CV puis vos aventures professionnelles. Absolument, mais ça viendra. C'est ça, l'histoire du numérique aujourd'hui. Et en plus... suffit hein, d'une phrase qu'on échappe, ils sont capables de faire 40 articles avec ça, c'est fabuleux. Absolument. Mais on va parler de cinéma dans Absolument, quelques minutes. Absolument, c'est mon avec rêve. Vous. Je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami. Quand je chante, c'est... connaissent The Cure ont reconnu l'une de leurs plus belles chansons qui s'appelle Charlotte Sometimes. Et c'est la raison pour laquelle je m'appelle comme ça. Ben là, c'est un drôle de hasard. Très je vais faire un clin d'œil en vous accueillant parce qu'il n'y a pas énormément de chansons avec le prénom Charlotte. Absolument pas. Puis mon père, grand fan de The Cure, c'est une raison pour laquelle je m'appelle Charlotte. Ben là, tout est dans tout. Charlotte Aubin, bonsoir. Bonsoir. Bon, vous êtes jury dans le cadre de cette édition du Festival de cinéma de la Ville de Québec, mais jury des courts-métrages. Absolument. Et on vous a vu dans plusieurs courts-métrages. Mm-hmm. Ça tombe bien. Crème de menthe, c'était bon, ça. Ah oh, oui, je les adore. Mais oui. Non, on vous a vu aussi dans des longs-métrages à la télé, dans Fugueuse. Vous n'étiez pas gentille. Non, pas vraiment. Mais celui qui était encore moins gentil que vous, il y en avait un autre, puis il était avec vous sur le jury du court-métrage. Oui, absolument. Il y a Nico Ndoua, grand acteur. Il était bon. Très, très grand acteur. Et il y a Alexandre Isabelle, un réalisateur de Québec de court-métrage. Qui avait gagné, il y a deux ans, d'ailleurs, le prix qui était remis à des cinéastes de Québec pour un film qui s'appelait La Partie. C'est ça, qui j'allais très, dire. Très, très bon. Exactement. Hé, hey, je fais votre CV très rapidement, Charlotte, mais on vous a vu dans Blue Moon. Absolument. Moi, mon fils de 11 ans a dévoré les trois saisons de Blue Moon. Yeah. On vous a vu aussi au cinéma dans Ceux qui font la révolution, je ne le dirai pas au complet, le non, titre est trop long, mais aussi dans Isla Blanca récemment. Et au moment où Isla Blanca sortait, je le dis parce que parlons actualité cinématographique, mais il y avait Chien de garde qui sortait de Sophie Dupuis. Oui. C'est le film, ça a été annoncé aujourd'hui qu'elle allait représenter le Québec aux Oscars. Ah oui, OK, j'avais même pas vu. Ben quelle bonne oui, nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Charlotte, il y a des films qui s'en viennent. Les salopes ou le sucre naturel oui, de la peau. Oui, qui était au TIFF récemment, un film de René Beaulieu. Genèse de Philippe Lesage, mm-hmm. Ça n'arrête pas. Bien écoute, j'ai de la grande chance. Moi, j'ai l'impression de m'être créé une espèce de famille cinématographique dans les dernières années. Je suis très, très heureuse de ça. Puis dans le court-métrage, tu vois, moi, je suis très, très attachée au court-métrage parce que c'est là que j'ai fondé les bases de ces rencontres-là. Souvent, c'était des cinéastes qui étaient... Qui par la suite réalisent leur long. Exactement, qui réalisent leur long, qui m'ont donné une espèce de grande confiance aussi en moi et en eux, avec qui j'ai développé ce goût-là, ce goût-là de créer une espèce d'intérêt pour les codes du cinéma aussi. Je trouve que dans le court-métrage, c'est une espèce de formule dans laquelle on peut un peu plus s'éclater. C'est moins rigide que le long-métrage. Puis ça me plaisait, donc on a pu tester ensemble. À quoi se résume votre travail cette semaine? Parce qu'il y a énormément de courts-métrages dans le cadre du Festival de la Ville de Québec. Vous les voyez pas tous, ils sont pas tous en compétition non plus. Non, exact. La compétition, c'est 35 courts-métrages. Nous, on a vu des longs-métrages puis des courts-métrages pour le plaisir aussi, mais ce que j'ai à juger, c'est 35 courts-métrages. Donc, Qui viennent de partout. Qui viennent de partout. Donc, on a à peu près la moitié internationale, la moitié d'ici. Il faut aussi juger des films qui ont été faits par des cinéastes de Québec. Il y a deux grosses bourses en fer à remettre. Une qui est très, très grosse, qui est de 100 000 $ en équipement, en location, en tout ça, en espèce de service. Puis aussi une autre bourse pour des cinéastes de Québec, qui est plus petite, mais justement pour starter des espèces de carrières. Est-on à même de juger si les courts-métrages québécois accotent ceux faits à l'international en termes de qualité technique, mais aussi, évidemment, narrative? Absolument. Tu sais, je veux dire, ce qui est le fun de découvrir des courts-métrages de partout, c'est que tu rencontres des sociétés, tu rencontres des codes aussi cinématographiques qui sont différents. Tu rencontres des univers, des couleurs, des textures, des personnages, des réalités. Tout ça, c'est très, très différent. Mais au Québec, ici, je pense qu'on a... On a tout pour faire ça, je veux dire. Que ce soit un court-métrage qui est super urbain ou super rural, pour moi, je veux dire, il y a façon de se définir assez largement quand on vient du Québec. Est-ce que vos goûts cinématographiques ressemblent, je dirais, à votre parcours, justement, comme comédienne? Parce que ceux qui font la révolution comme film, oui. C'est très différent de Blue Moon. Crème de menthe, c'est sûrement différent de ce que fait Philippe Lesage. Est-ce que ça ressemble à ça? C'est-à-dire que vos goûts vont partout? Quand vous regardez des courts-métrages, vous avez vraiment... Là, il y a un genre que vous aimez particulièrement. Non, absolument pas. Moi, j'ai vraiment plus un rapport instinctif aux œuvres. Puis il faut absolument que ce soit bien construit, que ce soit cohérent, conséquent, mais je suis vraiment game d'épouser plein de sortes, en fait, épatez-moi. De propositions. Oui, épatez-moi et je suis disponible. Je regarde votre film avec des yeux d'amour, avec des yeux complètement généreux, mais après ça, je suis très, très intransigeante quand il s'agit d'après ça choisir le meilleur film, mais je suis disponible à cette rencontre-là. Comment ça se passe avec les deux gars, là? Ça se passe bien. Est-ce que vous parlez directement après, là? Est-ce que vous... Ah oui, nous, à chaud, là, vous discutez à chaud. On discute à chaud, mais on se laisse la liberté de revenir sur notre position. Puis moi, je trouve que c'est ça décanter. Qui est très bien aussi, parce que je me rappelle, on est sorti d'une projection, puis il y a un film qui n'était pas dans mes favoris au départ. Je reviens le lendemain, puis je dis, finalement, ce film-là, j'y ai repensé, il s'est promené avec moi. C'est un film, quand c'est un film qui nous habite plus longtemps, c'est là où on y repense. Exact. Des fois, tu as des coups de cœur qui sont comme une espèce de kick d'une soirée, mais je veux pas faire un one night avec un film, tu comprends? Là? Fait que, il y a matière à réflexion, tout ça. Puis avec les gars, on s'entend super bien. Je pense que c'est des gars qui sont très, très érudits, très intelligents, très posés, mais qui ont un rapport aussi instinctif aux œuvres. Denis Arcand a déjà dit, parce que ses films ont été en compétition à Cannes, hein, quelques-uns de ses films, puis on lui disait, aimeriez-vous vous-même faire partie du jury? Puis il dit, jamais je ne m'abaisserai à juger mes pères. Ou quelque moi, chose au contraire, comme ça. Ça dépend comment on le fait. Tu sais, comme je te dis, quand c'est des yeux d'amour et de générosité, c'est pas mon premier jury, mais je me rappelle mon premier jury, j'avais fait des grandes rencontres avec des œuvres de certaines personnes. Puis après ça, ça m'a donné le goût de suivre leur carrière. Ça m'a donné le goût de m'intéresser à eux. Ça m'a ouvert aussi l'esprit sur plein de sortes de visions. C'est une expérience humaine en même temps. Pour moi, c'est super précieux. Puis c'est rare qu'on peut voir des courts-métrages en vie. Chris. Fait que moi, je me trouve vraiment chanceuse d'avoir la chance de voir ces courts-métrages-là. Bon, ben, ça m'amène à vous poser une autre question. Est-ce que comme jury, vous vous gardez une réserve? Parce que souvent, ben, si c'est des courts-métrages québécois, évidemment, les réalisateurs vont être sur place pour présenter leurs films. Est-ce qu'on va les voir pour discuter, essayer de comprendre un peu, ou on essaie de s'abstenir et tenir une distance? Ben, ou on se présente ça, pas comme jury, on est incognito? Mais comme je te dis, moi, j'ai un rapport très instinctif. Si j'ai besoin de parler avec le réalisateur puis j'ai une question à lui poser, je vais le faire avec grand plaisir. Puis mais on sinon, peut vous soudoyer. Non. OK. Impossible. On peut pas je vous te l'ai dit, intransigeant. Moi, j'aurais peut-être une petite question. Oui, Laurence. Vas-y. Combien de courts-métrages vous voyez en une journée? Je veux dire, ça fait. Vous êtes à Québec pour un petit bout pour aller voir ça, mais combien de courts-métrages vous voyez dans une journée au complet? Le maximum qu'on a vu, c'est aujourd'hui, c'était justement le programme avec les cinéastes de Québec, c'était 13. Mais en général, c'est 6. Donc, si tu as le temps... Moi, c'est ce que j'aime, en fait, du Festival de cinéma de la Ville de Québec, c'est que tu as le temps de te laisser déposer. Il faut le digérer, c'est ça. Si j'en vois 20 par jour, c'est sûr que je vais moins reconnaître les saveurs. Là, j'ai le temps de me laisser imprégner. Puis mon contrat, mettons, avec l'art, ne dure qu'un certain moment. Puis après ça, l'art peut se balader avec moi. Fait que je trouve que ça a bien été fait, vraiment, ici. Avez-vous eu des coups de cœur? Oui, j'ai des coups de cœur, mais le souper de délibération est dans 20 minutes. Qu'est-ce que je vais faire? OK, donc on peut rien dire. Est-ce que vos coups de cœur sont vraiment d'un petit peu partout? Ouais. Oui, mais tu sais, c'est sûr qu'on a vu des films j'essaie de m'avancer, à l'international. Là, on a vu des films ici aussi. Ben c'est ça, je ne peux pas dire grand-chose pour toi. Ben oui, ben il aurait fallu que tu m'appelles demain. Donc, pour en savoir plus, c'est demain. C'est la soirée de gala. Absolument. On va présenter le film Colette ici au Palais Montcalm. Et puis, je pense que c'est tout de suite après les différents jurys. Le jury long-métrage. Il y a un jury, d'ailleurs, étudiant, collégial. Il y a un jury cinéphile. Puis, il y a un jury des courts-métrages qui vont tour à tour remettre leur prix. Ouais. Hey, Charlotte, en terminant, moi, en plus, j'ai eu l'occasion de vous voir dans un autre film. On parlait du film Genèse puis du film Les Salopes également qui vont sortir au fil des prochaines semaine. Ouais, exact. Mais aussi le documentaire sur André Forcier. Oui, le film de Jean-Marc Roy, justement, qui avait réalisé Crème de menthe. Ben, voilà, tout est dans avec tout. Avec Philippe là. David, oui. Et vous jouez un petit rôle là-dedans. Et ce film-là, moi, je suis tombé à la renverse. Rarement vu un documentaire biographique utiliser cette mise en scène-là pour mettre en valeur un cinéaste. Et c'était conséquent complètement avec le cinéaste. Et moi, je trouve que c'est de l'ordre du feel-good documentaire. Donc, on sort de là avec justement une espèce de vision juste, authentique de ce qu'était et encore André Forcier. André Forcier, son œuvre, sa signature. Exactement. Puis de faire hommage à André par le biais de sa fiction, je trouve ça complètement grandiose. Puis en montrant ça, il montre aussi toutes les permissions qu'a prises André Forcier et qui a été très, très importante pour notre cinéma. Moi, je suis une fan invétérée de André Forcier, donc c'était un honneur d'être là. Et c'est un film à voir. Ça c'est s'appelle Des histoires inventées. Oui. Vous faites partie d'une scène, oui. Une des merveilleuses scènes. Il y en a plusieurs dans le film et ça va sortir dans le courant de l'hiver, je crois. Absolument, c'est là. Hey, bonne délibération, Charlotte Aubin, puis on continue de vous suivre. Parfait, merci. Bye. Au revoir. Ce n'est pas le grand blond, mais bien le grand noir avec une chaussure. chaussures brunes, on va dire ça. Brun. Bon, Yann Geller, directeur du festival, bonsoir. Bonsoir, merci. Yann, je le disais à Charlotte tout à l'heure qui était avec nous, ou je le disais en début d'émission plutôt, un festival de cinéma, c'est fait pour s'asseoir puis regarder des vues. Oui. Mais le directeur d'un festival, je ne l'ai pas vu assis, je l'ai vu courir à tout moment. Marcher vite. Ouais, presque à la course. c'est les impératifs. Il y a différents lieux, il faut être partout, il faut éteindre des incendies. C'est ça aussi le rôle d'un directeur pendant le festival. Entre autres, on est chanceux, on a une grosse équipe, puis il y a la direction de production, la direction de programmation, la direction, évidemment, de scénographie, la mise en scène. Bon, il y en a quand même pas mal. Et puis, il arrive toujours, bon, des impondérables, et c'est là où on doit trancher. Et c'est le pourquoi de mon travail. C'est assez incroyable cette année à quel point au début du festival, il a fait chaud. Puis là, on est complètement à l'envers. C'est-à-dire qu'on venait en gogoun regarder à la Place Douville les films présentés en plein air. Puis là, il faut s'amener une doudoune. C'est un peu ce qui est particulier du CVQ. On vit vraiment le changement de saison à chaque année. Et je vois les photos depuis, ça fait bon 4 éditions que je suis là. Il y a toujours au début les femmes en robe légère, les garçons en chemise courte, puis ça. Puis à la fin, on a le foulard. Il y a vraiment. Mais cette année, c'est particulier. J'ai quitté le QG du festival dimanche soir, à peu près minuit et demi, donc dans la nuit de dimanche à lundi. Mm-hmm. Il faisait 31 dans la nuit. Je me suis levé le lendemain matin à 6h15 et il faisait 12. Alors, c'est vraiment un choc assez spectaculaire. Ceci dit, demain, il risque de faire beau. Alors ça, c'est le fun pour le tapis rouge. Vendredi, on ne le sait pas encore. Des grands vents, par contre. J'espère que Dame Nature va être clémente. Et samedi, on devrait finir en beauté. Je parlais de Place Douville parce qu'évidemment, à l'intérieur, il y a le Palais Montcalm, le Musée national des beaux-arts. Il y a la salle du conservatoire également. Mais les projections à l'extérieur, j'ai l'impression que le festival, depuis quelques éditions, a réellement trouvé un filon. Oui, ça nous a surpris, nous aussi, ailleurs. C'est pour ça qu'on a mis autant d'énergie cette année sur la plus belle salle de cinéma extérieur au monde, qu'on dit sans aucune gêne. Mais on a vu la réaction des gens, on a vu l'attachement que les gens pouvaient avoir, et c'est pour ça que cette année aussi, on a ouvert au-delà des films nostalgie. Là, présentement, il y a le Pitchacucha, il y a eu Indépendant dimanche avec Edgar Fritz. Il y a vraiment des nouvelles façons d'aborder la Place Douville. De créer l'événement. Exactement. Il y a eu le ciné-concert avec l'Orchestre symphonique des musiques de films. Comment on occupe cette Place Douville-là? De manière populaire, intelligente, dans un contexte festif. Là où j'ai été impressionné également, parlant d'ajout cette année, c'est le grand froid. Il y a un petit cubicule là-bas où on s'installe en réalité virtuelle. On demeure à Place Douville, mais on est transporté dans le futur. Et avec les images de réalité virtuelle concoctées, entre autres, par le directeur artistique Samuel Matteau, oui. On revisite aussi ce qu'était Place Douville. C'est-à-dire qu'avec la narration, on nous explique ce qu'était cet endroit-là au départ. Ça aussi, c'est une belle association. C'est comme notre passé à partir du futur. Alors, ça donne vraiment un beau jet. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est la première fois qu'il y a un projet en réalité virtuelle dans un contexte de réalité augmentée. Généralement, le virtuel est fait pour être apprécié seul, dans un contexte qui est carrément différent. Ici, on a, avec les gens de Studio Élément, les gens ont mappé Place Douville et on est de manière précise au même endroit que dans la réalité virtuelle. Ce qui fait qu'on peut vraiment se propulser dans le futur. Et il n'y a pas ce délai-là, pas du tout, parce qu'au moment où on entre dans le cube et on met le casque, si on regarde à droite et il y a le Capitole, bien à droite, il y a le Capitole. Dans les mêmes proportions, dans les mêmes dimensions. Alors, tout l'effet et la surprise que je ne vendrai pas, mais à l'intérieur du grand foie, est basé là-dessus. Alors, c'est vraiment une belle nouveauté là-dessus et je pense que la réalité virtuelle risque de prendre plus d'importance. Là, on a parlé des bons coups, tu sais, Place Douville, oui. La réalité virtuelle. Puis c'est quoi vos mauvais coups plutôt? De quoi les gens se plaignent au festival? Trois choses. Puis on est très, très transparent là-dessus, on le sait. Évidemment, la distance, les gens aimeraient qu'on soit encore plus concentrés. Parce que le musée, il faut quand même marcher sur Grande Allée pour s'y rendre. C'est un 15 minutes à pied. On aime beaucoup être au musée, alors on tient notre coup. C'est une belle salle. C'est vraiment une belle salle. Les gens du musée sont accueillants, etc. Mais les gens aimeraient être beaucoup plus près, etc. Cependant, dans la plupart des festivals du monde, il n'y a pas cette proximité-là qu'on retrouve à Québec avec le Palais Montcalm, avec la salle Douville et Raoul Jobin, évidemment la Place Douville, le Gestil Conservatoire, éventuellement le Diamant. Donc, cette convergence-là, je ne la vois pas nulle part ailleurs et encore moins au Québec. Donc, le musée est un petit peu excentré, mais ça, oui, on s'en plaint. Deuxième chose, évidemment, on en parle beaucoup, le sous-titrage double. On a la chance au Festival de cinéma d'être appuyé par l'Université Laval et on est le seul festival entièrement bilingue que je connaisse. Et il y a une assez grosse équipe qui travaille là-dessus. Énorme. Plus d'une vingtaine de personnes qui sont là. Et ça nous permet d'offrir des films qui sont tout nouvellement sortis, par exemple de Venise ou de Toronto, et qu'on les présente ici sous-titrés en français. Alors, parfois, la copie qu'on reçoit, c'est une copie avec les sous-titres intégrés, donc les sous-titres en anglais ou dans une langue autre. Et nous, on ajoute donc un double sous-titre en français parce qu'on ne peut pas enlever ce qui est déjà incrusté à l'intérieur. Alors, les gens le comprennent maintenant de plus en plus, on l'explique beaucoup, mais évidemment, ça fait beaucoup pour une image, mais nous, on veut quand même garder cette accessibilité-là au français. Mais bon, évidemment, ça nous permet d'ouvrir aussi vers les anglophones. Donc ça, c'est l'autre truc que les gens se plaignent aussi. Et le troisième, évidemment, on en a parlé, le mur, Winter is coming. On passe souvent d'une météo estivale à une météo, disons, plus automnale. Oui, mais en même temps, j'ai l'impression qu'être bien habillé, il y a moyen de passer un 2 heures agréable. Mais il faut y penser à l'avance. Oui, comme sinon, on dit, après une demi-heure, ça peut devenir pénible. Il n'y a pas d'hiver trop froid, il y a juste du monde mal habillé. C'est quoi les... Oui. Quels sont les projets du festival à moyen et long terme? Le festival qu'on souhaite est le festival qu'on a pris cette année. Évidemment, la confiance des cinéastes est très importante, la confiance du milieu culturel est très importante. Et cette transparence-là qu'on a vue de la part du milieu est vraiment super appréciée. On a beaucoup de commentaires des cinéphiles. Ils nous écrivent. Les gens ont mon courriel, ont mon Facebook. Cinéphiles, amis, gens que je connais pas, qui sont là vraiment pour améliorer le festival. Donc, de garder cette ouverture-là, de continuer d'être polymorphe, tant au niveau de la cinéphilie que du cinévore. C'est-à-dire, on va regarder Karate Kid samedi, ben c'est super. Moi, je trouve ça vraiment le fun, puis on va s'amuser avec tout ça. Puis, je sors tout juste de Smuggling Hendrix, qui est un film cypriote, mais extrêmement drôle. Et puis, on a vu Pet Names, qui est un peu dans le même genre. Là, il y a Une colonie, qui est, bon, un magnifique film que Geneviève Dulune-Dessel nous a donné. Alors, cet éventail-là, on va poursuivre. Place Douville, on va resserrer encore un petit peu plus la programmation, être capable de pouvoir être plus à même de créer un espace festif, décomplexé. Où est-ce qu'on est bien? Le plaisir d'être ensemble. Je vais pas vous lancer une patate chaude, mais est-ce qu'il y a du lobbying à faire pour asseoir le festival de la ville de Québec comme un incontournable et d'arrêter de subir une certaine compétition, je dirais, très... Bien, je prends votre très malicieuse du côté de Montréal avec le FNC, le Festival de Nouveau Cinéma. Je prends votre patate chaude et je l'éplucherai lentement, malgré qu'elle me brûlera peut-être les doigts plus tard éventuellement. C'est sûr qu'il y aura toujours de la compétitivité entre les festivals. Ceci dit, il y a une chasse à la primeur présentement qui est un peu... Surtout la primeur québécoise. Puéril. La primeur québécoise, nous, ce qu'on fait, évidemment, on a enlevé le mot primeur de toutes nos communications. Souvent, les partenaires le disent eux-mêmes. Les gens, par exemple, les distributeurs, c'est en primeur à Québec, mais nous, de nous-mêmes, on le fait pas. On l'a enlevé du catalogue, bon, tout ça. On préfère plutôt parler de chance, d'opportunité. On joue un peu sur les mots, mais c'est vraiment le mot primeur et peut être, à notre avis, contaminé et contaminant. Pour ce qui est, bon, pour le pas le nommer, le FNC a quand même changé sa manière de faire. Surtout en court-métrage. Et nous, on a préféré offrir des prix, etc., pour dire aux gens, venez nous voir. Et pour ce qui est du reste aussi, ben c'est pas à nous de décider ça. Je dirais que tout ce qu'on veut prouver, c'est que nous, la table est mise, qu'il y a des cinéphiles à Québec. Évidemment, notre plus grande force et aussi notre plus grande faiblesse, c'est le public. Alors, est-ce que le public va être intéressé avec tel type de produit, tel type de film qu'on leur offre? On n'a pas encore le contrôle là-dessus. On n'est pas Berlin où est-ce que tout est sold out tout le temps. C'est normal, on est un jeune festival. Alors, rendu là, c'est vraiment de la stratégie et d'inviter surtout, bon, les médias, vous le faites très bien, merci, vous nous couvrez vraiment énormément, vous, puis on salue les gens de la programmation. Mais, évidemment, la chambre d'écho est très importante, donc les cinéastes montréalais, les distributeurs montréalais, je pense qu'ils veulent s'entendre et se voir aussi dans leurs médias. Alors, de pouvoir les amener ici, de les intéresser, c'est une grande lutte, ça, c'est sûr. Les avoir comme alliés. Effectivement, parce que c'est normal. Eux veulent se voir, leurs médias. On se mentira de dire que la grande écho part du porte-voix montréalais. Alors, d'être capable de pouvoir les amener ici, je pense que ça changera beaucoup de choses. Et ça, c'est au bénéfice du festival, au bénéfice des cinéphiles. Mais encore une fois, c'est pas au festival, je pense, d'exiger ça. C'est davantage aux cinéphiles de revendiquer, de demander et simplement de garder ce qu'on fait présentement, c'est-à-dire d'être un festival le plus accueillant, ouvert et neutre possible. Auparavant, vous étiez à Ville de Saguenay au festival Regard du court-métrage qui s'est bâti une sapristi de belle réputation au fil des années. Qu'avez-vous le plus appris qui vous sert maintenant avec le Festival de cinéma de la Ville de Québec? Qu'un milieu culturel, c'est le petit bois sec qui fait sortir absolument tous les plus beaux projets de la meilleure manière qui soit. qui a trois pivots vraiment très importants dans un festival. Le citoyen, parce que c'est lui qui paie souvent de 40 à 50 du festival avec ses taxes, et ça, c'est important de pouvoir lui en donner. Les politiciens, donc cette volonté politique-là de voir émerger dans son secteur une culture qui est différente, qui n'est pas nécessairement du divertissement, mais qui est dans, du côté plus disciplinaire. Puis, bien, évidemment, le fait que le milieu culturel soit souvent à la base de tout ça. Et ça, on le sent au FCVQ, vraiment, les gens de Méduse, on a des trucs avec... Aller chercher les acteurs locaux. C'est très, très, très important parce que ils sont le porte-écho. On peut leur proposer des choses souvent plus exigeantes et puis ils vont contaminer cette volonté-là du milieu culturel, particulièrement de Québec, d'entrer en relation et puis d'amener du monde, évidemment. Et puis le défi qu'on a ici au FCVQ, c'est qu'on veut rattacher le milieu touristique au milieu citoyen. Et on est cette espèce de pivot-là à Place d'Youville qui est comme la limite, là où les vagues des touristes s'échouent et là où les citoyens aussi s'échouent. Donc, comment on amène les gens ici? Un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre, et plutôt que ce soit vraiment un lieu de division, parce que clairement, on le sait, les citoyens de Québec visitent moins leur vieux Québec et les touristes visitent mal le Québec la ville de Québec en entier. Donc, nous, comment on peut arrimer tout ça? D'où le bilinguisme, d'où la salle, d'où notre plaisir d'être là. Yann, avez-vous le temps de voir des films? Peu. Pas assez. Je vois à peu près un film par jour, mais sinon, je les ai vus antérieurement. Généralement, par festival, il y en a peut-être trois ou quatre que j'ai pas le temps de voir du tout. Il y a eu un coup de cœur? J'ai vraiment beaucoup aimé Smuggling Hendrix. Ça me fait rire. Pet Name, c'est absolument génial. Une colonie. Écoute, c'est un coming of age. Une colonie féminin. Représentée demain, d'ailleurs. Je pense que c'est à 13h au conservatoire. Absolument. Merci de me le rappeler. J'en perds un peu mon latin. Évidemment, le film de Jean-Marc Roy sur Forcier, vraiment... Des histoires inventées. C'est représenté aussi demain. Je retrouve ça. J'en manque, moi aussi, des bouts, mais je suis convaincu. Donc, visitez le fcvq.ca. C'est 15h30 au conservatoire demain. C'est une belle leçon de cinéma pour les gens qui sont curieux. Les gens qui ne connaissent pas Forcier vont apprendre à connaître les codes du réalisateur. Charlotte Aubin joue dedans, puis elle est bien fine. Puis Charlotte Aubin est bien fine, puis elle est bien bonne, puis elle est belle en plus. Tout est à toutes. et puis, c'est vraiment... je dirais, si je résumerais tous mes coups de cœur, c'est la confiance du cinéma indépendant, cinéma émergent québécois qui est venu se poser chez nous en septembre. Alors ça, c'est une belle fierté. Yann, le festival se déroule jusqu'à samedi. Demain soir, c'est la soirée de gala remise des prix, présentation du film Colette au Palais Montcalm. Yann Geller, merci beaucoup de votre passage. Merci d'être là. CKRL, communication, culture. Du 13 au 22 septembre, assistez au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Un festival de surprises, de découvertes, d'émotions, de plaisirs, de projections, de jeux, de sourires, de stars, de premières, de vues, de rencontres, d'histoires, de parties, de couleurs, de beaux mondes, de fun noir, de grosses larmes, de cinéma. Présenté par Québecor, alimenté par Resto Plaisir en collaboration avec le Concorde. Présentement à l'affiche au cinéma Le Clap. La douleur, l'intérêt de l'enfant. La librairie de Mademoiselle Green. Première année, The Bookshop, The Children Act et Une petite faveur. Rendez-vous sur leclap.ca et retrouvez l'essentiel de la programmation et plus encore. Bonjour, ici Fabien Gabel. Le 19 septembre, laissez-vous impressionner par notre concert d'ouverture, une soirée grandiose où Lise de la Salle donnera le ton à cette saison époustouflante en interprétant le troisième concerto de Rachmaninoff. Pour cette nouvelle saison avec l'Orchestre Symphonique de Québec, j'ai provoqué des rencontres étonnantes et élaboré une programmation offrant classiques intemporels et découvertes inattendues. Je vous y attends avec impatience. Tous les détails sur osq.org, Hydro-Québec, partenaire des saisons. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du blues avec Eric Bibb et Michael Jerome Brown. Tell your people. Ne manquez pas cette soirée teintée par l'émotion brute du blues traditionnel en compagnie de deux musiciens exceptionnels. Le 4 octobre, vivez la musique à son meilleur avec Eric Bibb et Michael Jerome Brown. The way we're living in fear. Détails au palaismontcalm.ca. Audiolight, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolight. Toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolight.qc.ca. Le vote d'un collectionneur d'art, ou d'un éboueur, ou encore celui d'une prof de yoga. Aucune différence. Tous les votes sont importants. Le 1er octobre, à vous de voter. Un message d'Élection Québec. Le vote d'une dentiste ou d'un ébéniste ou encore celui d'une haltérophile. Aucune différence. Tous les votes sont importants. Le 1er octobre, à vous de voter. Un message d'Élection Québec. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les partout. Disponible pour Android et iPhone. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Achetez votre carte Abonne Clap pour profiter d'une année cinématographique exceptionnelle. Consultez leclap.qc.ca. En direct de Place Douville, CKRL et le Festival du cinéma de la Ville de Québec vous présentent Situation critique en collaboration avec Québecor et alimenté par Resto Plaisir. Situation critique est présentée en direct de Place Diouville dans le cadre du Festival de cinéma de la Ville de Québec. Pierre, je prononce mal mon nom, ça va bien? C'est le froid. Ben, c'est l'excitation, surtout, d'être en compagnie de Laurence Tremblay. Bonsoir. Et de David Finlay, qui est à Québec. Il connaît très bien Québec, puis il va nous le dire, mais ici pour nous présenter son tout premier long-métrage, Everything Outside, qui a déjà été présenté au Festival et qui sera encore, David, représenté demain pour une dernière fois dans le cadre du Festival. C'est bien ça. À 10h. 10h demain. Au oui. Musée national des Beaux-Arts. Donc, il faut comme être un peu en vacances. Là. C'est une heure un peu ingrate, mais quand même, on aura la chance de le voir ou de le revoir, même pour ceux qui sont allés voir la première représentation. Le film va sortir en salle, malgré tout. Je pense que c'est à l'hiver, David. Oui, c'est ça. Le film, là, on a des projets là, pour le sortir en salle là, à Montréal, à Québec, à Sherbrooke et à Trois-Rivières en début 2019. David, vous êtes originaire de Québec. Moi, je ne vous connaissais pas du tout. Est-ce que vous y habitez encore? En fait, c'est une excellente question parce que j'habite pas mal dans mes valises là, depuis un an, là, je dirais, juste à travailler sur différents projets. Là, je travaille en publicité comme réalisateur. Donc, c'est ça. Moi, j'ai fait mes études à Vancouver. Et puis, depuis ce temps-là, là, j'ai vraiment été dans mes valises, un peu chez mes parents à Québec, un peu sur la route entre Montréal, Toronto, Vancouver. David, vous avez fait vos études à Vancouver et au Canada, s'il y a une ville où il y a eu beaucoup de tournages ces dernières années, c'est Vancouver. Les productions américaines s'y arrêtent. Mm-hmm. Les conditions sont, je pense, il y a de la facilité pour eux là-bas à tourner, absolument, notamment des téléséries. Avez-vous, durant vos études, été à même de constater ce phénomène? Oui, écoutez, moi j'ai étudié en cinéma à l'Université de la Colombie-Britannique et puis oui, certainement, Vancouver c'est une énorme ville de production, mais des fois ça a la réputation d'être un peu un sweatshop pour Los Angeles, si on veut vraiment que c'est des productions américaines qui sont comme shippées à Vancouver là, pour vraiment tourner, puis tourner beaucoup, donc si on est un technicien, on manquera jamais de boulot à Vancouver, mais du côté, en série. Ben c'est ça, du côté créatif, produire, réaliser. En tout cas, pour moi, j'ai pas trouvé le mon créneau, mais j'ai quand même plein d'amis là, et puis j'ai hâte d'y retourner. En fait, là, au mois d'octobre, le film va jouer. Mon film Everything Outside va jouer là, au Festival international de Vancouver. Est-ce que c'est ces études-là en anglais qui vous ont poussé à dire, moi, je vais réaliser un premier long métrage, l'occasion est là, et je vais le tourner en anglais? La question de la langue de mon film, mais à ma grande surprise, ça a été une question. Moi, à la maison, à Québec, j'ai grandi en anglais et en français. Mon père vient du Nouveau-Brunswick, donc toute ma vie, c'était en français. Mais à la maison, c'était anglais et français. Et puis, c'est ça, après ça, j'ai étudié là, en anglais. Non, c'est pas une C'est une question de comment raconter une histoire, de quelle façon je vais la raconter de la meilleure façon possible. Absolument. J'ai même pas pensé, en fait, la langue dans laquelle j'allais dire l'histoire. C'est les personnages qui allaient vraiment dicter la langue dans laquelle ils allaient communiquer. Dans le passé, j'ai fait des courts-métrages autant en anglais qu'en français. Et puis, je compte continuer à faire ça là, dans le cours anglais-français. Les deux comédiens qui tiennent votre film littéralement sur leurs épaules, parce qu'ils sont là de presque tous les plans du film, c'est Louise scènes. Portal, qu'on connaît bien, et Ahmed Muslimani. C'est bien ça. Ils portent leur propre prénom dans le film. Oui, et c'est une rencontre entre deux personnes qui ne viennent pas du même milieu, qui n'ont pas le même âge, qui ne parlent pas la même langue, qui se retrouvent ensemble dans une maison sur le bord d'un lac. L'un est acteur, il doit pratiquer justement un scénario qu'il a entre les mains. L'autre est une artiste qui se repose justement dans cette maison-là, qu'ils vont partager l'instant de quelques jours, se rapprocher, apprendre à se connaître. Qu'est-ce que je devrais ajouter à la description de votre film? Je pense que vous... Faut pas trop en dire non plus, mais non, je pense que ça résume le film assez bien, c'est ça. C'est l'histoire, d'une rencontre improbable, mais tout à fait sincère entre une artiste de renom québécoise et puis un jeune acteur libanais de Toronto qui, à cause, des circonstances imprévues, vient à partager un chalet au bord du lac Saint-Joseph à l'automne pendant quelques jours. Que vouliez-vous raconter avec votre film? Plusieurs choses. Il y a plusieurs thèmes là, vraiment, que je voulais explorer en faisant ce film-là. Comme on dit dans le milieu, la note d'intention. Oui. c'est ça. Les premières inspirations, c'était d'avoir déjà fait un court-métrage avec Louise Portal dans le passé. Ça m'avait inspiré beaucoup, beaucoup. Puis, justement, son personnage était assez similaire à celui qu'on a un peu repris, si on veut, et remanié pour le long. Et puis, Ahmed, j'avais produit un court-métrage avec lui aussi. Et puis, j'avais été juste totalement fasciné à quel point il était talentueux, mais totalement inconnu. Donc, ça m'a complètement inspiré. Donc, c'est de poursuivre ces rencontres-là, à la base, là, en partie, réutiliser des comédiens avec lesquels vous avez cliqué. En partie, c'était on pourrait dire quasiment de... Pas, non, je veux pas dire que c'était une excuse de les mettre en scène ensemble, mais c'est ça, en même temps que j'écrivais le scénario, que je devrais mentionner, et co-scénarisé par Darren Emre, qui est un écrivain turc. On écrit le scénario ensemble. Alors qu'on a commencé, moi, je venais juste... En fait, je terminais l'université, et puis je faisais comme face un peu à ce que je pensais était comme un vide, là, comme le néant. Comme, est-ce que je suis capable de faire cette carrière-là? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Donc, c'était tout des insécurités un peu, des anxiétés qui se transposaient hyper bien à un personnage d'un acteur, en fait. T'sais. Alors... c'était ça l'inspiration première là, pour se lancer. Lorsqu'on enseigne le cinéma, on va parler de différentes facettes pour dire aux gens, si vous devenez réalisateur, il faut s'attarder à plusieurs choses, porter plusieurs chapeaux, être capable techniquement de faire un beau film, de bien diriger ses comédiens et de bien raconter votre histoire. Votre film est propice à toutes ces facettes parce que c'est une histoire intimiste. Il faut être capable de bien raconter à dialogue ce qui va se passer, de montrer la chimie entre les deux comédiens, de savoir bien les diriger, mais d'avoir tourné au lac Saint-Joseph. Oui, c'est ça. Sur le bord du lac, avec une luminosité mais parfois hallucinante. Il y a une scène dans le film où Louise Portal et l'autre comédien jouent au croquet, personnage, où la luminosité est juste incroyable. Il faut saisir ces moments-là. Absolument. On a été hyper chanceux, en fait, avec la météo. On a tourné vers la fin du mois d'octobre, début novembre. Ça sent l'automne, votre film. Ah, excellent. Tant mieux. C'est tant mieux. Je savais que je voulais pas nécessairement capturer l'automne avec toutes les belles couleurs des feuilles qui mouraient, mais vraiment plus les couleurs plus grises là, avec l'hiver qui menace. Et puis, ça se porte vraiment bien là, au mood, là, si on veut, du film. Mais il y a cette super... On a été chanceux. On a été juste super chanceux qu'à ce moment-là, on ait là, une super lumière, en fait. Là, c'était en fin de journée, le soleil hyper bas, puis avec le lac là, qui agissait de miroir. Là, ça a été tourné dans le manoir familial, David? Oui, c'est ça. On a tourné la le film... La question au hasard à la blague, mais... Oui, le film a été tourné au chalet de ma grand-mère, où j'ai grandi, là, j'ai passé mes étés, passer mes étés. Et puis, dès le début... Quelle là, enfance plate! Oui, c'est ça. Dès le début, je savais que ce serait... Louise, je savais que ce serait Ahmed, puis je savais où exactement on tournait, puis je savais que si on n'avait pas une des pièces du puzzle, que ça ne fonctionnerait pas, puis je ne voudrais pas le faire. Donc, j'ai pris une chance, puis j'ai écrit le scénario pendant à peu près un an et demi, tout seul avec Darren, avant là, même de le présenter aux acteurs, puis ils ont aimé ça. Fait qu'ils ont voulu le faire. C'est intimidant passer du court au long? Oui. Oui, ça, je peux le dire, absolument. Encore là, c'est drôlement... c'est juste l'idée du projet qui est venue complètement former comme un long. Je m'étais pas dit, OK, dès que je finis l'université, là, du coup, je fais un long. Puis comme j'ai mentionné tantôt, je continue à faire des courts-métrages. Je trouve que c'est un format vraiment intéressant là, en tant que cinéaste. C'est intimidant parce que, c'est ça, comme court-métrage, on fait ça un peu pour... Ben oui, absolument pour les mêmes raisons, pour s'exprimer, mais on sait qu'il n'y a pas la même visibilité. T'sais, on peut pas s'attendre à la même réaction, à la même, ou bien à des critiques, en fait. Et puis, c'est juste un travail là, qui prend beaucoup, beaucoup plus de patience, juste tellement plus de temps. Donc, il faut vouloir. Puis, combien de journées de tournage ça vous a pris? 15 jours. 15 jours. Ouais, ce qui est vraiment très peu pour un long. Ça avait été chanceux. Les réalisateurs qui ont de l'expérience, souvent, ils disent « Ah, faut éviter de tourner avec des enfants ou des animaux, c'est compliqué. » Puis les scènes où il y a de la nourriture, puis les scènes de table où il y a des repas, ça aussi, pour les raccords, c'est compliqué. Il y en a des scènes de repas dans votre film? Ouais. Il y en a. Là, il faut que le verre de vin soit à la bonne hauteur. Toujours. Vous aviez une script, j'espère, de grande qualité. Oui, ben en fait, c'était notre directeur artistique, Jean-Nicolas Demers, qui agissait de script en même temps. C'est un casse-tête, quelquefois, ces scènes-là. Ah, absolument. Absolument. Ouais. Puis il faut bien se préparer, puis il faut rester vigilant. Ouais. David, travaillez-vous déjà sur un autre scénario, un autre projet de film? Oui, j'ai plusieurs autres scénarios là, à des étapes des assez embryonnaires. Mais je viens juste de tourner là, ce qui est nouveau pour moi, un documentaire au mois de juin dernier à Vancouver. Et puis vu que j'y retourne, là, je vais continuer à tourner sur un photographe mexicain qui s'est nommé lui-même Billy Danger, qui est un personnage totalement excentrique, mais tout à fait unique dans le travail qu'il fait. Donc, je l'avais rencontré il y a des années, et puis je savais qu'il serait un personnage vraiment intéressant pour un documentaire. Donc, vous êtes intéressé à tout. Vous travaillez avec des Turcs, des Libanais. Mm-hmm. Vous allez à Vancouver. Votre père vient du Nouveau-Brunswick. Votre mère est francophone, puis oui. Vous tripez sur le Mexique. Oui, on peut dire ça. Pourquoi pas? Hey, je suis en train de vous résumer. Hein, c'est le résumé parfait. Voilà. David, blague à part, Everything Outside est présenté demain au Musée national des Beaux-Arts à 10h le matin. Il filme par la suite, devrait revenir à Québec en salle dans le courant de l'hiver. Absolument. David Finlay, merci beaucoup de votre visite aujourd'hui. Merci à vous. N'essaies-tu pas de me comprendre aussi? Car Ce thème est toujours pour annoncer l'arrivée de Laurence Tremblay, mais en fait, elle est arrivée depuis le début parce qu'elle est là avec nous à Place Diouville, alors que le Festival de cinéma de la Ville de Québec se poursuit. Il y a Hugo Latulippe, le documentariste qui donne une classe de maître, d'ailleurs, présentement. Ce soir, dans environ une demi-heure, c'est No de Robert Lepage. Si ma mémoire est bonne, c'est son troisième long métrage après Le Confessionnal et Le Polygraphe. Il y a entre autres Anne-Marie Cadieux là-dedans. Tu sais que j'ai failli jouer dans No, Laurence. Oui, j'ai failli. Je veux dire que je te compte ça en 30 secondes. On demandait des figurants. Puis on nous a entassés dans un entrepôt désaffecté en basse ville. On avait recréé un bar. Puis on faisait venir les gens, les figurants, un après l'autre, pour être dans le bar, faire semblant de prendre un verre et danser. Finalement, on était trop de figurants. Fait qu'on était comme entassés au deuxième étage, puis il faisait très, très froid. Après 3 heures de froid, sans avoir pu tourner une scène comme figurant, je suis parti, j'ai raté ma chance de faire une grande carrière au cinéma dans un film de Robert Lepage. Ça aurait été cool, ça, bon. Par contre. Ben oui, mais je suis tellement maudit pied gris que j'ai milité contre Slav et contre Canada. Ça lui apprendra de ne pas me prendre comme figurant. Bon, on fait des blagues. Et Laurence, oui. Qu'as-tu vu d'intéressant jusqu'à maintenant au Festival de cinéma de la Ville de Québec? Écoute, plein de choses. Honnêtement, je suis vraiment pas déçue de ma présence jusqu'à présent au Festival de cinéma. Des films que tu as vus. Oui, des films que j'ai vus. Premièrement, j'ai parlé du Grand Froid de Samuel Matteau. Ah, ben ça, c'est tantôt. L'expérience de réalité virtuelle. Tu l'as essayé. Ça dure 5 minutes. Je l'ai fait 2 fois. C'est gratuit. C'est gratuit. Puis j'ai vraiment aimé ça. Personnellement, c'est quelque chose que... Moi, l'expérience de réalité virtuelle, là, j'ai adoré ça. Quand j'ai fait ça à Hollywood, quand j'étais petite, là, j'ai fait ça avec les Simpsons. J'ai adoré. Donc ici, je l'ai fait 2 fois. J'ai fait attendre toutes mes amies parce que je trippais vraiment. C'est vraiment quelque chose d'enveloppant. D'immersif. D'immersif. C'est ça. J'ai adoré. Donc ça, c'est une des choses que j'ai aimées. Puis c'est encore là jusqu'au 22. Donc de 11 à 23 heures. On peut faire ça le soir aussi. C'est quand même très cool parce que tu sors dehors et là, c'est noir dehors aussi. Donc c'est très cool. Sinon, je suis allée voir La disparition des Lucioles de Sébastien Pilote à la première des films. Qui était le film d'ouverture. Exactement. Qui arrive en salle d'ailleurs vendredi. Et sais-tu quoi? J'étais en robe et en talons hauts, sandales cette soirée-là. Sans problème. Là, je suis en tuque et en gants. Exact. Donc, c'était juste un petit commentaire comme ça. Le contraste. L'ambiance était au rendez-vous, honnêtement. Surtout, je dirais, j'ai aimé la touche du Resto Plaisir qui était là, qui donnait des bouchées de tataki de thon. Oui, bien, ils sont là chaque jour, oui. Effectivement. C'était vraiment le fun. Pour des bouchées, je pense surtout en 5 à 7. Ben oui, quel beau festival qui donne du tataki de thon. J'ai trouvé ça le fun. Puis j'ai eu la chance de parler. Fancy. Oui, non, vas-y. Pas du tout. Avec Arelle Tremblay. Qui a sensiblement mon âge, donc c'est super le fun de parler avec elle. Elle était vraiment, vraiment contente. Qui est la comédienne, l'actrice principale du film. Exactement, on l'a vu dans Jérémy, qui est une émission pour un petit peu plus jeune que moi, mais je l'écoute des fois aussi. Donc ça, c'était vraiment le fun. Elle était vraiment contente d'être ici aussi, sa présence à Québec et tout ça. Donc c'était vraiment une belle première. J'ai adoré le tapis rouge et tout ça. Ma mère aussi, je l'avais amenée. Donc c'était vraiment très plaisant. Aussi, j'ai assisté au ciné-concert de Fritz Lang. Oui, Métropolis. Métropolis. Parce que Fritz Lang est décédé. Oui. Il n'a pas pu se rendre Je le sais très bien. J'ai fait mes recherches. Donc, ça, c'était mon coup de cœur du Festival du cinéma. Pourquoi? Parce que c'était magnifique audiovisuellement. Là. C'était tellement beau. Moi, j'ai adoré ça. Surtout la touche, que ce soit l'Orchestre symphonique de Québec. Là. Moi, j'avais jamais vu de ciné-concert. Cette formule-là, moi, c'est à revoir. Là. J'en verrai une à chaque soir. C'est vraiment le fun. Souvent, on est étonné à quel point, justement, on arrive à épouser les ambiances du film, justement, à se coller, justement, à ce qui nous est montré à l'écran. Vraiment. J'ai adoré ça. Sinon, je suis allée voir une journée, que c'était des courts-métrages. Donc, on a vu une dans la suite de l'autre, celui... justement, de... Jason Béliveau, qui est un de nos chroniqueurs ici, oui. Qui travaille aussi chez Antitube, qui réalisait pour la première fois un court-métrage. Donc, tu étais à la soirée Québec, c'est ça? Oui. Donc, c'était des courts-métrages réalisés par des gens de Québec. On en présentait quoi, une dizaine, quelque chose comme ça? C'était une dizaine, environ, je pense que c'était 8, quelque chose comme ça. 6 ou 8, pas une dizaine. Okay. C'est moins que ça. Et est-ce qu'il y avait une thématique qui ressortait ou c'était vraiment extrêmement varié? J'ai trouvé ça varié particulièrement aussi. Je suis allée avec un de mes amis aussi qui fait du vidéo, Raphaël Dernier. Donc, on a beaucoup aimé ça cette soirée-là. Je dirais le film de Jason Béliveau, j'ai aimé ça. Il y en a un autre que le nom m'échappe, mais c'était une espèce de huis clos avec 2 filles. J'ai trouvé ça beau. Je ne peux pas me rappeler du nom. Laurence, le festival se poursuit jusqu'à samedi. Oui. Aurais-tu des suggestions à nous faire? Qu'est-ce qui t'interpelle dans la programmation qui reste? Oui, donc le film Gala, qui est demain, donc le jeudi 20 septembre. Ça, c'est Colette. Colette, qui met en vedette Keira Knightley, donc qui va être super beau. Je ne sais pas si l'actrice va être ici. Selon moi, elle ne va pas se présenter. Tu peux fonder des espoirs, mais je ne penserais pas. Ça, le disque particulier avec le film qui est présenté demain, c'est parce que c'est sur l'auteur Colette, qui est évidemment une écrivaine française, oui. Mais le film a été tourné, c'est une production britannique. On l'a tourné en France, mais avec une distribution entièrement anglophone. Ben justement, l'actrice principale, d'ailleurs. Absolument. Ça, c'est particulier. C'est particulier, mais j'ai très hâte de voir. Moi, j'étais super contente quand j'ai vu que c'était ce film-là qui est sorti pour le film Gala, parce qu'il avait attendu un petit peu avant de dévoiler. Oui, on l'a dévoilé un peu plus tard. Oui. C'est ça, donc je suis vraiment Ça, c'est demain soir au Palais Montcalm. Exactement. Sinon, samedi le 22, la dernière journée au Conservatoire d'art dramatique, on va pouvoir écouter une compétition de court-métrage d'animation que moi, j'aime particulièrement regarder, donc c'est sûr que je vais être présente pour ça. Sinon, Karate Kid en plein air. Justement, tantôt, Yann en a parlé. Et là, c'est les deux premiers, et en bon québécois, back-to-back. Oui, là. Ceux de 1986. Il n'y a pas une série sur YouTube, d'ailleurs, en ce moment. On a relancé une la série franchise sur YouTube. De Karate Kid. On vient de relancer. Il y en a eu, je pense qu'il y en a eu 4 au total. Il y en avait les 3 premiers. Le quatrième, c'était pas avec une fille en vedette. C'est pas... Une actrice. Hey, je suis pas spécialiste de Karate Kid, puis je vois que toi non plus, mais vraiment, mais c'est pas mort. Le premier, je l'ai vu, puis j'ai vu celui donc, avec Jaden Smith. Ben oui. Pour la nostalgie, samedi, oui. Il y en a deux. Puis c'est vraiment le fun. Je veux dire, moi, je suis venue à quelques soirées aussi, juste passer dans les... Ah oui, tu tentais de l'ambiance. C'est ça. Ben oui, j'adorais ça. Je veux dire, avec la salle de cinéma à l'extérieur, on peut acheter un verre, on peut s'asseoir un peu partout. C'est vraiment plaisant. Honnêtement, j'ai adoré ça. Terminant, une autre suggestion à la fin ou c'est tout? Ça fait le tour parce que j'en ai moi-même. Là, une autre suggestion, tu peux y aller parce que... Je rappelle que Des histoires inventées, le film sur le réalisateur André Forcier, que j'ai adoré réellement. Si, il faut connaître un petit peu quand même André Forcier, les films qu'il a fait. Je sais qu'il en a fait des connus, que ce soit Au clair de la lune, Une histoire inventée, Le vent du Wyoming, L'eau chaude, l'eau frette. Et dans ce film-là, on recrée... On parle de son parcours, c'est un film biographique sur Forcier. On entend Forcier parler de la façon dont il pratique son art et on recrée certaines des scènes de chacun de ses films. Et pas de façon chronologique. Donc, vraiment un effort de mise en scène, c'est stupéfiant, c'est extrêmement divertissant. C'est artistiquement très, très beau. Donc, c'est Des histoires inventées, 15h30, demain, au Conservatoire. Ben tu vois, je ne l'ai pas vu. Tu m'as donné le goût juste tantôt, parce que ça fait plusieurs fois que vous en parlez et je vais y aller. Oui, réellement, pour moi, c'est un coup de cœur. Ouais. Il y a ce soir au Musée national des beaux-arts du Québec une comédie musicale russe, Leto, qui va sortir éventuellement en salle, mais si vous avez la chance, ce soir, c'est présenté. Ce sera aussi représenté, je pense, dans quelques jours. Donc, Leto, qui est comédie musicale russe, et on en dit énormément de bien. Voilà, ouais, c'est ça. Les films qui sortent en salle, on va terminer l'émission là-dessus. Parfait. Il reste à peu près 3 minutes. C'est peut-être le vendredi de l'année le plus occupé dans les cinémas de la ville de Québec. Il y a 13 longs-métrages qui prennent l'affiche. On dirait que tout le monde s'est donné le mot pour sortir leurs films en même temps. Ce qui est étonnant, entre autres, c'est que parmi les 13 films qui sortiront, il y a 5 documentaires, notamment Playing Hard sur l'univers des jeux vidéo. On a suivi durant 4 ans comment on conçoit un jeu vidéo puis l'aventure humaine derrière ça, parce que les gens mettent tant d'efforts, ils veulent vraiment que le jeu fonctionne et il y a énormément de compétition. Il y a également 13 un ludodrame sur Walter Benjamin, qui est un philosophe allemand qui s'est suicidé dans les années... Je crois les années 40. Il y a également Fahrenheit du 11 novembre. Ça, c'est le film de Michael Moore sur l'élection de Donald Trump, où il va nous parler, il nous offre un portrait de l'Amérique d'aujourd'hui assez mordant, comme c'est son habitude. L'amour à la plage. Que font les snowbirds québécois lorsqu'ils s'exilent dans le sud, qu'ils ont 65, 70, 75 ans et qu'ils ont envie de retrouver l'amour à nouveau? Et Pauline Julien, c'est vrai, le documentaire de l'ONF qui a été présenté au Festival de cinéma de la Ville de Québec en primeur. C'est un film sur la défunte chanteuse et militante pour l'indépendance du Québec, avec énormément d'images d'archives. La disparition des Lucioles. Oui, ça arrive vendredi, on l'a dit tout à l'heure. A House with a Clock in His Walls, avec Cate Blanchett, Jack Black, le fils de comédie pour toute la famille, avec énormément d'effets spéciaux. Léo et les extraterrestres, c'est un film d'animation qui prend l'affiche au clap. Il y a également Laissez bronzer les cadavres, un polar de genre français. Aussi, Assassination Nation. Ça, ce sont des filles à Salem, aux États-Unis, qui vont devenir les nouvelles sorcières parce qu'elles sont accusées à cause d'un hacking sur les réseaux sociaux qui met en scène les gens du village qui vont s'en prendre à elles en disant que ce sont elles les responsables. Une espèce de film complètement déjanté. Burnout, un film de Michel Jeté, une fiction qui parle justement du phénomène du burnout. C'est une comédie dramatique extrêmement grinçante. Life Itself avec Oscar Isaac prend également l'affiche. Qu'est-ce que j'en oublie un? C'est infernal le nom de film. Ça fait pas. Non, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose. Et je tiens à vous rappeler, en terminant, la fort belle nouvelle aujourd'hui. Moi, l'un de mes coups de cœur de 2018 parmi les films québécois qui ont pris l'affiche, c'est Chien de garde, le premier long métrage de Sophie Dupuis avec Théodore Pellerin qui était. Moi, je l'adore. Ah, il est bon, mais là-dedans, il était terrorisant. Il était terrorisant, puis dans d'autres films, il est super attachant. Oui. C'est ça que j'ai adoré. Celle qui jouait sa mère, Maude Guérin, était incroyable. Elle aussi, le film représentera le Canada, parce que ça prend un film francophone pour aller dans la catégorie du meilleur film de langue étrangère aux Oscars. Il y a à peu près 90 pays qui participent à cette course-là. Et le film qui représente le Canada, ça a été décidé aujourd'hui, c'est Chien de garde. Plusieurs s'attendaient à ce que ce soit le film de Denis Arcand, La chute de l'Empire américain. Eh bien non, c'est le premier long métrage de Sophie Dupuis. Très bon film, il faut absolument que vous voyez ça, Chien de garde. Laurence Tremblay, merci. Merci à toi. On se retrouve bientôt. C'était Pierre Blais au micro de cette émission. Je remercie l'organisation du Festival de cinéma de la Ville de Québec et aussi mes deux metteurs en onde. Celui qui gardait le fort du côté de la station, c'est Jacques Gignac. Il avait son fléau d'armes, son poing américain pour défendre la console. Ici, celui qui avait son glaive et son bouclier, disons ça comme ça. J'ai de la misère à improviser. C'était Simon Roy. Merci à toute l'équipe. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine à Situation Critique. Bonne soirée. Situation critique vous a été présentée par CKRL et le FCVQ en collaboration avec Québecor et alimentée par Resto Plaisir. Bon cinéma! Situation critique vous a été présentée par le Cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Consultez l'horaire des films sur leclap.qc.ca.